Bonjour les amis, bienvenue à French Pod. This is the upper intermediate lesson. Je m'appelle Erika. Et je m'appelle Amaury. Bonjour à tous. La leçon aujourd'hui est très pratique, n'est-ce pas? Tout à fait, Erika. Aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est que nous allons pouvoir nous familiariser avec le langage du monde des affaires. Alors, cette leçon contient pas mal de vocabulaire très intéressant. Et si on n'est pas un homme ou une femme d'affaires? C'est également très intéressant. Ok, pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans une situation formelle, avec des formules de politesse et du vocabulaire assez relevé. Très bien, j'attends avec impatience. Voilà, donc maintenant tout ce qu'on va dire, c'est que nous allons retrouver nos deux protagonistes dans une salle d'attente d'aéroport. Le prochain vol pour Londres, Air France AF111 aura 2 heures de retard. Encore 2 heures d'attente, ce n'est pas vrai! Vous n'avez pas de chance. Vous attendez depuis longtemps? Non, pas trop, mais j'ai une réunion dans 3 heures à Londres. Vous pouvez peut-être voyager avec une autre compagnie? Vous avez raison. Je vais envoyer un texto à ma secrétaire afin de voir si c'est possible. Voilà. Merci du conseil. Au fait, je m'appelle Pierre Cordier. Enchantée, Caroline Brossard. Tout le plaisir est pour moi. Où est-ce que vous allez? J'ai un vol pour Dakar dans 20 minutes. Vous y allez pour le travail? Oui, pour affaires. Je dirige une société qui importe des plumes d'autruche en Europe. Incroyable! Je travaille dans le même secteur d'activité. Je suis représentant commercial pour une entreprise australienne qui exporte des plumes dans le monde entier. Je suis responsable du bureau européen. Ça m'intéresse. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs. Je reviens en France à la fin du mois. Nous pourrions en rediscuter ensemble à ce moment-là? Vous êtes basé à Paris? Oui, à la Défense. C'est une très bonne idée. Mon entreprise pourrait vous proposer des prix défiant toute concurrence. Voici ma carte. Merci. Et voici la mienne. Mais dites-moi, il n'y a pas d'autruche en Australie? Non, mais il y a des émeus qui ont des plumes magnifiques. Croyez-moi, c'est l'avenir. Et nous revoilà. Alors, on est dans un aéroport. C'est ça, oui. Et on a quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il y a encore 2 heures d'attente. Ce, c'est le pire événement qui peut se passer à l'aéroport. Oui, il peut avoir un accident aussi. Mais oui, bon. Ok, un des pires événements. Donc, on a cette autre personne qui le remarque et lui demande « Vous attendez depuis longtemps ?» Pour lui, c'est un peu ennuyeux, non? Tout à fait. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une réunion qui l'attend à Londres dans 3 heures. Elle lui propose une solution. C'est quoi? C'est de contacter peut-être une autre compagnie et de voyager avec elle. Alors, il envoie un texto à sa secrétaire. Et puis, il dit « afin de voir si c'est possible ». Voilà. So, « afin de », ça veut dire « pour », non? Exactement. Alors, quelle est la différence? C'est un langage un peu plus soutenu, sophistiqué. Toujours les phrases sophistiquées ici, French Pod and Upper Intermediate. I love the Upper Intermediate lessons. Et puis après, il la remercie et il dit merci du conseil. So, merci de quelque chose, c'est ça? Voilà, c'est la formule, merci de. Ce qui les amène à se présenter. Et il lui dit quelque chose d'intéressant. Il dit, tout le plaisir est pour moi. Oui. Ça, c'est très poli, non? Tout à fait, oui. Dans quel contexte est-ce qu'on dirait « tout le plaisir est pour moi » ? C'est quand on veut vraiment montrer un signe de respect envers la personne avec qui on s'entretient. Ok, alors c'est sophistiqué. Très. Alors c'est une bonne phrase à dire quand on rencontre quelqu'un et on veut vraiment l'impressionner. « Tout le plaisir est pour moi, merci. Ouais. » J'aime bien ça. C'est une phrase que j'aime bien aussi. Donc voilà, maintenant la conversation est un peu engagée. Elle lui donne quelques détails de son voyage. Pourquoi elle se trouve à l'aéroport? Elle annonce qu'elle a son vol pour Dakar très rapidement. Oui. Et qu'en fait, elle y va pour affaires. Pourquoi? Parce qu'elle dirige une société qui importe des plumes d'autruche. Des plumes d'autruche. En Europe. Quel travail. Donc c'est un peu particulier. Yeah. Mais voilà ce qui se passe après. Ça, c'est vraiment incroyable. Situation extraordinaire. Oui, mais ça arrive tous les jours à l'aéroport. Et donc, le Pierre, là, il travaille dans le même secteur d'activité. le même secteur d'activité, ce qui veut dire qu'il travaille dans les plumes aussi. Et voilà, ouais. Que le monde est petit, non? Alors lui, il est représentant commercial. A sales rep. Voilà. Account representative. Et lui, il exporte des plumes dans le monde entier. C'est ça, oui. D'Australie. C'est plus qu'une coïncidence. Et en plus, il est responsable du bureau européen. Alors, jusqu'au là, on a appris comment parler des affaires. Ouais. Et maintenant, on va apprendre comment montrer de l'intérêt. Exactement. Alors, après, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui annonce qu'ils sont toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs. Être à la recherche de... Oui. C'est une expression fixe. Donc, de quoi ici les nouveaux fournisseurs? Donc, les affaires doivent très bien se porter. Oui. Elle est intéressée, elle l'a dit. Puisqu'elle a un vol dans 20 minutes, elle n'a pas beaucoup de temps pour en discuter maintenant. Donc, ils sont en train de préparer leur prochaine rencontre. Elle lui dit qu'elle revient en France à la fin du mois. Mm-hmm. Et même, elle engage déjà la prochaine rencontre puisqu'elle dit on pourrait en rediscuter ensemble. Pour en rediscuter ensemble, à ce moment-là, à la Défense. Qui est donc le quartier des affaires à Paris, derrière l'Arc de Triomphe. Puis il lui donne une raison de ne pas oublier. Oui, il lui dit que son entreprise pourrait proposer des prix... défiant toute concurrence. Ouais. Il n'y a aucune concurrence qui peut offrir un prix... meilleur. Et puis il dit, voici ma carte. C'est la façon la plus facile, ils n'ont pas beaucoup de temps. Voici ma carte et voici la mienne. Elle doit s'en aller. Oui, mais il y a quelque chose qui lui passe par la tête. Oui. C'est dit, mais au fait... mais dites-moi... Elles sont où les autruches en Australie? Non, mais des émus. Avec des plumes magnifiques, croyez-moi. C'est l'avenir. Donc voilà, il a dit deux choses. Il a proposé des prix défiant toute concurrence et les fameuses plumes d'émeu. C'est l'avenir. Yeah, tu verras. Emu feathers instead of ostrich feathers. L'avenir nous le dira. Yeah, ok. En attendant, on écoute le dialogue une seconde fois. Le prochain vol pour Londres Air France AF111 aura 2 heures de retard. Encore 2 heures d'attente, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas de chance. Vous attendez depuis longtemps? Non. Pas trop, mais j'ai une réunion dans 3 heures à Londres. Vous pouvez peut-être voyager avec une autre compagnie. Vous avez raison. Je vais envoyer un texto à ma secrétaire afin de voir si c'est possible. Voilà. Merci du conseil. Au fait, je m'appelle Pierre Cordier. Enchantée. Caroline Brossard. Tout le plaisir est pour moi. Où est-ce que vous allez? J'ai un vol pour Dakar dans 20 minutes. Vous y allez pour le travail? Oui. Pour affaires, je dirige une société qui importe des plumes d'autruche en Europe. Incroyable ! Je travaille dans le même secteur d'activité. Je suis représentant commercial pour une entreprise australienne qui exporte des plumes dans le monde entier. Je suis responsable du bureau européen. Ça m'intéresse. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs. Je reviens en France à la fin du mois. Nous pourrions en rediscuter ensemble à ce moment-là. Vous êtes basé à Paris ? Oui, à la Défense. C'est une très bonne idée. Mon entreprise pourrait vous proposer des prix défiant toute concurrence. Voici ma carte. Merci. Et voici la mienne. Mais dites-moi, il n'y a pas d'autruche en Australie? Non, mais il y a des émeus qui ont des plumes magnifiques. Croyez-moi, c'est l'avenir. This was a good dialogue for business things, but also even if you're not business, you know, when you talk to someone and you have to be in a situation, it's good to know what kind of language you should use. Bien sûr, oui. One of the things that they said is they used like the conditional pouvoir, oui. Like the nous pourrions en rediscuter, mon entreprise pourrait vous proposer. Oui, alors le conditionnel est important ici. Car il montre une forme de respect, okay. Une forme de politesse envers la personne. On ne pousse pas la personne à faire quelque chose. Right, you're not assuming anything. Voilà, c'est une sorte de proposition. So that would be the first thing that would be a polite way or a good business. And you're in a business situation, try to use a conditional. Tout à fait, oui. Even if it's obvious that it's going to happen, you should still use it, right? Tout à fait. What are some other tips, you know, if you're dealing with, like, with French businessmen? Like the do's and don'ts. Give us some do's and don'ts. Alors, une chose qu'il faut faire, comme on l'a vu dans le dialogue, okay. Ils ont employé le vous tout le temps. Okay, so yeah, always use the vous. On n'emploie pas... For how long? Forever? Si la personne en face ne commence pas à vous tutoyer, vous ne le faites pas. If they use the tu, maybe, but otherwise just use vous. Voilà, exactement. Definitely don't be the first one to say tu. Voilà, continue à vous voyer la personne. Okay. Alors aussi, une autre chose, c'est qu'il est préférable d'utiliser un français assez sophistiqué, assez relevé. Like afin de instead of pour. Voilà. Okay, which you will learn on the French pod upper intermediate levels clearly, because we always have the sophisticated French here. But what if you can't speak a sophisticated French? What if you aren't fluent enough to maybe accidentally not use vous when you're supposed to? Bon, alors là, la situation est compréhensible. Okay. Par contre, ce qu'il est bien de faire, c'est de s'excuser. Dire excusez-moi, je ne parle pas parfaitement français. Okay. S'expliquer en fait. So if in the beginning you make it clear that you know my French isn't that great, then you're saying I know I'm supposed to speak with these things, so don't hold it against me. Voilà, essayer de montrer encore une espèce de respect vis-à-vis de la personne. Okay, so that's a do. What are some don'ts? What are some things that you shouldn't do? Il ne faut pas commencer à parler de la vie privée de la personne. Okay, yeah, you should never talk about their private life. Now that might seem obvious on the surface, but actually, you know, like I don't know, in an American situation, it wouldn't be rude to ask the person, like, oh, are you married, whatever. It would actually almost show interest in the person, like you're trying to make a connection on a social level. But in France, it would be interpreted differently, right? Voilà, ça c'est trop. Yeah, it's really bad. They're not going to think it's cool if you ask them if they're married and about their kids and stuff. Pas du tout. Or even tell them about yours. Ça serait excédé la preuve d'intérêt qu'on fait à la personne. On n'a pas besoin de ça en français. Yeah, there's a good separation between business and private life. Comme tu dis, il y a une séparation. Yeah, so don't ask them anything about their private life. Keep it to business. Voilà. And then what about business? What can you talk about, especially in this first meeting and like in this dialogue? Montrer de l'intérêt pour... On peut toujours montrer de l'intérêt pour le business. Ça, c'est bien par contre. But don't... What? N'allez pas trop en détail. Like, so what kind of detail? Like, in this dialogue, what would have been a don't for her to do? On ne demande pas directement la taille de l'entreprise, le nombre de personnes. Okay. Les quantités qu'ils peuvent proposer ou les montants. Okay, so like in this whole thing, it would have been bad for her to ask or him to ask her what kind of business you're doing, like how, what, give him, send me some numbers, how big is it, how many clients do you have, how much, what kind of price can you offer me, all that stuff you have to wait, it's got to be more general. On doit montrer de l'intérêt, mais on ne peut pas se montrer indiscret. Okay, yeah, that would be considered indiscreet. Voilà. Even if you really want to know. Oui, bien sûr. Because that would be different in an American situation. Be like, what's the bottom line? Listen, it's going to be worth my while whether I should call you or use this card. So what's your size, kind of price? But no, in French, no. On n'est pas si direct. Yeah, you gotta wait. You can find all that out later. Handy tips, do's and don'ts. Et donc on se retrouve ensuite sur Frenchpod.com. Frenchpod.com, come check it out if you have any questions. Ouais. Or if maybe you're thinking of some other do's and don'ts that we forgot to mention, it would be interesting conversation. Bien sûr. Et merci. Au revoir. Au revoir.